bloqué à cause de l'amitié qui s'arrête comme elle naît. Parce que tu t'es menti, t'acceptais pas vraiment cette personne comme elle est. Craqué à cause de la skunk, de ta paire trouée face à ces Nike 9. De l'amour quand ta meuf, elle se fait frotter dans un nightclub. Craqué à cause des lettres de motifs qui n'ont jamais de réponse. Puis braqué, et ta vie devient l'armée des ombres. Craqué à cause d'une famille qui a trop d'attentes sur toi. Ou voir ce racisme banalisé que personne censurera. Craqué tellement t'as pas le temps, on fait croire que c'est de l'argent. Alors que tu veux juste profiter de tes enfants. Craqué à force de comparaison. Désinstaller ses applis et voir qui va oublier ton nom. Y'a trop de raisons de craquer, donc il faut trouver son truc. Jamais lâcher ses rêves, au présent faut que tu les conjugues. Y'a trop de raisons de craquer, donc il faut trouver son truc. Jamais lâcher ses rêves, Craquer à force d'être réveillé, 6h du matin, t'entends les camions poubelles et puis un brumé de la télé. Craquer tellement de décourage, t'avances à contresens. Personne pour te guider, non t'es solo face au vent. Craquer dans un couloir d'hôpital, une mère en train de partir, une infirmière qui la néglige. Zéro confiance en l'avenir, craquer face à un crédit, remboursement impossible. Et ton fils te sourit, parle de Noël le soir dans son lit. Craquer à cause d'une défaite, investissement sans retour. Si loin des tiens, tu broies du noir, tu vis à contre-jour. Craquer face à des non-dits ou une énième rumeur, tellement harcelé, t'as l'impression qu'on veut que tu meurs. Y'a trop de raisons de craquer, donc il faut trouver son truc. Jamais lâcher ses rêves, au présent faut que tu les conjugues. Y'a trop de raisons de craquer, donc il faut trouver son truc. Jamais lâcher ses rêves, Craquer quand t'as envie d'être seul et que tu peux pas, que ta coloc est bruyante. Qu'entre potes, si tu le fous à craquer, tu vois ta famille se désunir. Vos derniers moments ensemble, tu repenses à vous dans une voiture, vos sourires et vos chants. Craquer, t'as pas voyagé comme t'aurais voulu. Tu t'es pas affirmé, tu t'es fait manger tout cru. Mais tu vas revenir plus fort que jamais. Tu pourras porter la terre, jamais abandonner. Avancer sans regarder derrière. Y'aura toujours quelqu'un pour t'enfoncer. Demande-toi à tes yeux ce que cette personne représente. Souvent rien, donc lâche-la. Fais tes bails, emmerde-les tous comme l'herbe. On a beau coupé, tu sais que tu repousses. Y'a trop de raisons de craquer, donc il faut trouver son truc. Jamais lâcher ses rêves, au présent faut que tu les conjugues. Y'a trop de raisons de craquer, donc il faut trouver son truc. Jamais lâcher ses rêves, au présent faut que tu les conjugues. Y'a trop de raisons de craquer, donc il faut trouver son truc. Jamais lâcher ses rêves, au présent faut que tu les conjugues. Y'a trop de raisons de craquer, donc il faut trouver son truc. Jamais lâcher ses rêves,